Ah oui, vas-y, dis-moi des mots cochons. Tu veux des mots cochons, hein? D'accord. Cochon porc, saucisson. Cochon porc et lardon. Cochon porc, sanglier et jambon. Voilà une ribambelle de mots cochons. Pied de porc, la couenne de porc, le boudin. Cochon porc, saucisson. Cochon porc et lardon. Cochon porc, sanglier et jambon. Voilà une ribambelle de mots cochons. Gencives de porc, tête de mouchon, cervelle. D'un porc, saucisson, lardon, sanglier et jambon, couenne de porc et puis pied de porc. Cervelle, langue, foie et gencive, tout est bon dans le cochon. Halal, même si tu veux, moi j'aime le cochon et le poulet.